Et je vais demander à Julie et Matthew Rankin de venir directement. Nir, merci beaucoup. Et Sacha, qui est ici. Voilà, merci beaucoup. On enchaîne. Je crois que c'est la matinée où il y a plus de choses complètement différentes. Demain, sachez-le, j'aurai le plaisir de recevoir Georges Fitzgibbon et Boris Labbé pour parler de leur travail. Et samedi matin, nous recevrons en ce moment même le prix André Martin est en train d'être donné, on va dire, voilà, le jury est en train de délibérer. Une partie d'entre eux seront là pour faire ce que j'essaye de faire chaque année, qui est un débat critique. Et nous aurons la deuxième partie d'entretien. Certains d'entre vous étaient déjà là. Et en tout cas, je vous conseille vraiment la deuxième partie d'entretien avec M. Katabuchi, réalisateur dans un recoin de ce monde, qui a un personnage vraiment très, très, très étonnant. Il nous l'a montré lors de la première rencontre. On verra lors de la deuxième. Hop, je reprends mes esprits après le film qu'on vient de voir. On passe. Donc... Et j'arrive pour vous montrer un peu l'univers dans lequel on se trouve. J'ai un problème de lunettes maintenant. Juste. Est-ce que je peux t'aider, Alexis ? C'est gentil. On va juste regarder quelques images. Si on peut juste baisser la lumière quand on voit. Merci beaucoup. Ouais, toute la lumière. C'est très court, mais sinon on va pas voir le. C'est bon. Merci beaucoup. Je vais continuer pour ceux, je pense que beaucoup d'entre nous avons découvert Matthew Rankin, notamment grâce à ce film qui était passé ici. Donc voici la bande-annonce. Voilà, j'ai demandé qu'on rallume la lumière. C'est le fun de revoir mon démo de 2011. si jamais vous vouliez m'engager en 2011, j'ai toute l'information qu'il faut. Mais ça permet... Oh, il y a le micro. Okay, ici, vous avez deux micros. Oui, j'aime bien, en fait, il y en a d'autres devant. C'est celle-là, je trouve qu'elle elle montre justement aussi des choses un petit peu anciennes, oui, qui me paraît important de montrer, pour montrer, en fait, la diversité des productions. Tout à fait, oui. Il faut bien parler de Rampe. Ah oui. Vas-y, tiens, donnez-moi, on va échanger. Deux maisons, comme ça. Oui, de montrer la diversité. De montrer la diversité, finalement, des productions. Oui, tout à fait. Réalisées. Au départ, j'ai lu, je me suis un peu renseigné, La première base, c'est l'histoire de, les premières études, c'est l'histoire du Québec, à McGill et l'université de Laval, c'est ça? Exactement, oui. Comment on passe de, des études d'histoire à cinéaste visuel? On va en parler pendant tout le long de cette heure. Ah, mais je pense que la raison est simple. J'étais très mauvais comme académicien, j'avais très peu de talent dans ce métier-là. J'ai fait une maîtrise en histoire du Québec, ça m'intéressait beaucoup, j'étais vraiment animé par cet intérêt-là, mais à un moment donné, j'ai dû constater que j'étais artiste plutôt que scientifique. Quand on est historien, il faut, faut qu'on soit comme un comptable, hein, il faut que ce soit comme on fasse la comptabilité du passé. Moi, je ne m'intéressais pas à ça, je m'intéressais plus au côté extatique de l'histoire. Donc ça, c'est le domaine des arts, je trouve. Julie, tu te rappelles quand est-ce que tu as vu pour la première fois le cinéma de Matthew Rankin, Le Roi ONF, si je ne voulais pas... Pardon, excuse-moi, je ne l'ai pas présenté, je n'ai pas fait les choses bien, j'essaie d'enchaîner. Tu te rappelles la première fois que tu as vu des images de Matthew Rankin? Oui, c'était au Festival d'animation d'Ottawa, où ton film Cattle Call était présenté. C'était déjà... Matthew fait toujours des films un peu... à côté de la coche, on peut dire. Puis déjà, j'avais remarqué ce film qui s'était distingué parmi la sélection au Festival d'Ottawa. Puis j'ai vu Minarski par la suite. Mais avant même de voir Minarski, j'avais déjà Matthew Rankin dans ma mire comme productrice. C'est un cinéaste que je voulais rencontrer. Donc je pense que c'est vraiment le fait que le film que j'ai vu soit complètement différent et atypique parmi dans le cadre de cinéma d'animation. Que j'ai voulu m'intéresser à Matthew. Il y a, je commence par la question la plus évidente et la plus bête, comme ça, après j'espère que ça ira mieux. En fait, il y a deux cinéastes qu'on connaît un petit peu, qui viennent de Winnipeg, c'est ça, évidemment l'autre c'est Guy Maddin, et on a l'impression, sans que ça soit le même cinéma, qu'il y a des familiarités quand même, il y a quelque chose comme s'il y avait un terreau particulier pour les artistes à Winnipeg. Oui, tout à fait. Je pense que Winnipeg, un peu comme le Québec, a un cinéma national, si vous voulez. C'est comme, je pense qu'il y a des obsessions qui réunissent cette communauté artistique-là. Et je pense que ce qui distingue le cinéma winnipegois, à mon avis, c'est un intérêt pour un vocabulaire cinématographique un peu dépassé, oublié, dénigré même. Et comment je peux dire, de recycler ce vocabulaire visuel pour faire un cinéma personnel. Dans le cas de Guy, il est fasciné par les mélodrames des années 40 et ce genre de choses. Dans mon cas, je m'intéresse beaucoup au vocabulaire cinématographique des films expérimentaux, des films avant-gardistes du début du XXe siècle. Et j'essaie de raconter des histoires à travers ce vocabulaire visuel-là. Il y a aussi des choses au tout début, alors je suis désolé, on va revenir à encore bien avant. J'ai pas vu le film malheureusement entier, mais on sent aussi qu'il y a l'envie de travailler sur des problématiques. Alors là, pardon, pour une belle Death by Popcorn. Oh yeah. Alors voilà, on vient. Est-ce que je me trompe si j'ai l'impression que alors, le cinéma de Winnipeg, mais les Canadiens, et peut-être les Québécois, pardon, réfléchit beaucoup la réflexion sur l'identité, qui est évidemment centrale dans ce cinéma. Est-ce que c'est une idée que je me fais ou il y a vraiment une vraie réflexion là-dessus, sur l'identité? Oui, je pense que ça, c'est peut-être une obsession, très québéco-canadienne de se regarder dans le miroir un peu trop, peut-être. Je ne sais pas. Il y a une obsession identitaire, effectivement. Ce projet de construire une image de soi, de se mettre en image, ça, c'est quelque chose qui est une obsession parce qu'on est entouré par d'autres images de d'autres personnes qui nous influencent. Donc il y a peut-être ce désir de se représenter. Voilà. On retrouve énormément, je ne passerai pas tout le film. Profitez-en, il y a une vidéo, il y a plein de choses, passionnantes à regarder, son site internet aussi. Et il y a un film qui, moi, alors là, c'est vraiment en tant que Français, qui est assez étonnant quand on le voit. Et pareil, je vais juste montrer, je suis désolé, quelques images, qui est Hydro-l'évêque. Ah, un petit. Voilà, qui est. Bizarre, pourquoi il y a un problème. Mais voilà, qui est un film qui est très étrange. Quand on le voit avec une nonne qui regarde René Lévesque, c'est ça. C'est très exotique de regarder. Ah, c'est vrai. Et on a l'impression à la fois de se moquer de choses, mais tout en respectant énormément ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, et on va le voir par la suite dans d'autres films, et peut-être même dans Tesla, qu'il y a toujours ce double regard. Oui, je pense qu'il y a toujours une ironie. Il y a toujours un élément ironique. J'hésite un peu. On n'a pas ce mot en français, mais earnest. Ça veut dire comme très très sincère au point d'être comme au premier degré. Exister dans un monde qui n'a pas d'ironie, en fait. Ça, c'est earnest en anglais. Ernst. Donc il y a ça, mais aussi l'antithèse de ça. Habiter avec trop d'ironie. Habiter perpétuellement avec une migraine d'ironie. Donc, je pense que j'hésite un peu, je marche un peu à mi-chemin entre les deux, toujours. Voilà, je pense que c'est peut-être à cause du fait que je viens d'un endroit où c'est difficile d'avoir une relation cohérente avec ma ville natale, avec le Canada. Il y a toujours ça, donc je pense que c'est ça, c'est peut-être c'est peut-être la source de cette ironie. Julie, quand on produit quelqu'un qui est aussi qui part dans des quand on est à la tête d'une production qui est une production qui a de l'argent aussi de l'État, et quand on a un personnage qui est assis peu de place comme ça et qui peut rigoler justement même de l'État et de ses personnages, ça fait peur un petit peu ou au contraire c'est plutôt un vrai plaisir? Non, c'est absolument un plaisir à 100%. Moi, je suis à la direction du studio d'animation français à l'ONF. Quand je suis entrée en poste, j'ai rapidement programmé des films expérimentaux. C'est important pour moi qu'il y ait cet équilibre entre des films très grand public, mais aussi des films avec des démarches très singulières au niveau de la forme, au niveau du fond. Alors pour moi, travailler avec Matthew Rankin, ça voulait dire de pouvoir permettre cette expression assez libre. Il y a toutes sortes de voix en animation, et cette voix-là m'a particulièrement plu. Mais c'est vrai que de déposer un scénario avec un projet comme Tesla, c'est pas si simple dans la mesure où Mathieu a tellement la vision claire dans sa tête de ce que ça sera. Et il est très articulé à l'écrit aussi. Et pour les gens qui ne nous connaissent pas, donc de faire un pitch de projet comme ça, ça prend quand même des lecteurs un peu avertis, je dirais. Mais c'est aussi ma job à moi de faire un pitch éclairé pour faire comprendre la singularité de la démarche. Oui, parce que, juste entre parenthèses, c'est pas juste, c'est-à-dire que toi, tu vas approuver des projets, mais en haut, oui. On pourrait croire, c'est vrai, d'un seul coup, ou toi, ou Fukushima, qui est de la partie anglaise, mais non, vous avez quand même à répondre. Oui. Évidemment, il y a aussi, on parlait de cette début de semaine des dossiers, il y a aussi à répondre à d'autres personnes qui, eux, vont valider ou non, finalement, vos choix. Oui, tout à fait. En fait, le processus, maintenant, est assez léger à l'ONF. C'est ma directrice qui va faire le pitch à l'interne. Mais n'empêche, on gère des fonds publics, on a des comptes à rendre, on doit justifier la raison pour laquelle on fait ou on programme un film. Mais bon, en même temps, le fait d'avoir une filmographie, moi aussi comme productrice, Mathieu aussi comme réalisateur, ben, ça fait en sorte qu'on peut s'appuyer sur des œuvres précédentes et être capable d'inscrire ce film dans une démarche, dans la cohérence d'une démarche artistique. Alors, comme vous le voyez, je vous laisse passer des images, comme ça vous apprenez aussi, parce que vous ne connaissez pas tous forcément tout le travail. Est-ce que je me trompe sûrement, parce que je n'ai pas vu toute la filmographie, j'ai l'impression qu'avec Tabula Rasa, on passe à un autre style, avec peut-être des images plus travaillées, avec plus un jeu sur l'image, et peut-être quelque chose qu'on va retrouver énormément pendant tout le long de cinéma, c'est un travail entre l'image, à parler, et le son, et de se dire que finalement, il y a des images qui sont presque des images qu'on écoute, on a quelque chose d'assez étonnant dans ce rapport entre les deux. Est-ce que Tabula Rasa, c'est ça un peu un changement ou... Au niveau sonore. Au niveau même de l'image, je trouve qu'il y a peut-être une image qui est plus travaillée que celle d'avant, encore une fois, en connaissant une partie seulement de la filmographie. Oui, ben, c'est intéressant que vous dites ça. Moi, ça, c'est le premier film que j'ai tourné en numérique, en fait. Et je trouve que c'était une des plus grandes erreurs de ma carrière. J'aurais dû tourner ce film en Super 8. Ça me dérange encore le niveau de clarté des images, je trouve. Il y a juste beaucoup trop d'informations. Je trouve qu'avec la numérique, c'est pas comme le photoréalisme. Vous connaissez les gens qui peuvent dessiner tellement bien qu'on dirait que c'est une photo. Techniquement, c'est fascinant. Mais je trouve que c'est juste... C'est quoi l'intérêt d'enfant ? C'est-à-dire, je trouve que la numérique est comme ça aussi. C'est tellement clair, la résolution est tellement immense. Mais ça donne toute l'information. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins d'espace pour le spectateur d'imaginer des choses. Donc maintenant, je tourne uniquement en 16 mm. Donc je dirais que oui, Tabula Rasa, c'était un lieu de passage pour moi. Oui, je dirais que c'est surtout après ce film-là que les images deviennent de plus en plus travaillées. Mais peut-être que ce film-là aussi, ce qui m'a marqué dans ce que j'ai vu, c'est justement, c'est peut-être toujours cette idée d'imaginaire, d'imagination qu'on peut avoir, et même dans ce film-là, parce que finalement, il y a une précision des images qui est telle. En tout cas, moi, je ne me suis pas accroché à cette précision-là. Il y avait une poésie qui se dégageait. Je montrais hier un réalisateur, donc on parlait de Georgie, qui est Sergei Parajanov, grand cinéaste, hein, voilà, qui travaille. Et je trouvais qu'il y avait une dimension dans l'image qui dépasse la dimension finalement esthétique. Et je trouvais que Tabula Rasa commençait déjà à dépasser la dimension esthétique, peut-être justement la du numérique. Oui, ben, effectivement, c'est sûr que c'est un film qui... Les images deviennent de plus en plus artificielles avec ce film-là. C'est très théâtral. Ça fait référence plus au théâtre où l'artificialité des choses est très, très prononcée. C'est pas caché du tout, c'est très, très explicite. Et c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans mon travail depuis ce moment-là. Est-ce qu'il y a l'idée, et on voit Minarski, de jouer aussi avec... je vais remettre... Est-ce qu'il y a l'idée de jouer avec aussi beaucoup d'icônes de notre monde actuel? Évidemment, on arrive petit à petit à Tesla, mais en tout cas de jouer la Minarski, j'espère que certains d'entre vous l'avez vu donc il y a 2 ans maintenant. Oui. Ouais, 2 ans. Est-ce que ça, c'est un plaisir? Est-ce que ça retrouve finalement le plaisir de l'histoire étudiée en université? Oui, mais justement, c'est il y a toujours un rapport avec le passé dans mon travail. Et donc, je poursuis un peu mes études à ce niveau-là. Mais c'est vraiment une démarche tout à fait artistique et imaginaire. Je vais toujours faire de la recherche, mais à un moment donné, je vais juste abandonner les faits et je vais continuer uniquement dans l'imaginaire. Et j'essaie d'aller dans les abstractions du passé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vraiment évaluer dans le passé. Les émotions de moment, on ne peut pas empiriquement... et scientifiquement arriver à une conclusion absolue de l'énergie d'un moment. C'est pour ça que le cinéma est intéressant. C'est pour ça que je dis que Steven Spielberg est le plus grand historien du monde actuel, dans le fond, parce qu'il justement il représente le passé plus que toute autre personne. Donc voilà, donc c'est sûr que dans mon cas je m'intéresse beaucoup plus aux abstractions. Donc je vais C'est drôle parce que depuis le début de la semaine, j'ai l'impression que beaucoup de gens qui viennent autour de cette table disent que l'animation est finalement l'un des médiums les plus passionnants pour présenter la réalité. Sur quelques manières que ce soit, on a eu M. Daguchi qui est dans un recoin de ce monde, lui, et détaille, il va chercher chaque rue d'Hiroshima à l'époque avant la guerre, avant, il a fait un travail pas possible. Là, il y a un autre travail aussi sur la réalité, mais qui va s'en éloigner un petit peu, mais finalement. Oui, c'est comme Kubrick avait consommé des bibliothèques au complet de recherche et tout et tout. Il voulait que ce soit aussi crédible que possible. Moi, je ne m'intéresse pas à la crédibilité. Ce qui n'est pas vraiment possible, en fait, dans un film historique. Il y a toujours des historiens qui vont dire « Ah non, mais ce n'était pas comme ça. » Il y a quelques détails qui n'avaient pas saisi totalement. Donc, j'aime juste embrasser l'artificialité totalement. Comme ça, on sait que c'est un engagement. On sait très, très bien que c'est un engagement imaginaire avec le passé. mais qui nous donne envie, finalement, souvent, par exemple, là, on va l'avoir avec Tesla, de revenir et finalement de peut-être comprendre mieux le personnage, parce que justement, c'est des petites touches comme oui. ça, et de dire, ah ben, je veux. Oui, ben, il y a toujours une partie de nous qui est abstrait, n'est-ce pas? On est, y a un élément de fond dans chacun de nous qui est dans un état abstrait, et c'est ce qui m'intéresse, en fait. Il y a un mélange. C'est étonnant, d'ailleurs, Julie, il y a un mélange entre animation, prise de vue continue réelle, hybridation, mais totale tout le temps, expérimentale, narrative. On a l'impression d'avoir comme ça un univers qui est complètement éclaté. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a plu? Et est-ce que d'ailleurs, petite question à la productrice, est-ce que c'est facile, entre guillemets, justement, tu disais, ça pourrait faire un bon pitch, mais de le vendre à d'autres en disant... Ok, donc il ne fait pas vraiment du documentaire. Bon, c'est de l'animation, mais vous allez voir, c'est un peu particulier. Et comment on se situe? Ben, en fait, je pense que le côté un peu complexe à vendre, c'est cette espèce d'ironie respectueuse. Non, mais c'est, je ne sais pas comment le nommer, mais une espèce d'ironie envers le personnage historique. Où, sur papier, on se dit, oui, mais est-ce qu'il va rire de Tesla ou il va plutôt mettre en valeur? Est-ce que c'est une vraie biographie? Alors qu'en fait, c'est une biographie à travers les yeux de Matthew Rankin. Une fois que ça s'est passé, le processus est absolument fascinant. Moi, je n'avais jamais, c'était notre première collaboration à Matthew et moi. C'est vrai que quand on s'est assis d'ailleurs à Annecy il y a deux ans, où il me disait, bon, alors voici comment je vais travailler. Aïe! C'était quand même assez abstrait, en effet, pour moi. Je faisais semblant de comprendre en disant oui, bien sûr. Mais je me disais, OK, je pense que je comprends rien, finalement. Puis au fur et à mesure, après faire un budget à partir de quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est assez complexe, n'est-ce pas? Bon, les choses se sont placées au fur et à mesure. On a fait des réunions de production avec des gens qui avaient déjà travaillé avec Matthew. Bon, j'ai fini tranquillement par comprendre le processus. Et Matthew a fait un storyboard qui est une œuvre d'art en soi, parce que Matthew illustre admirablement bien ses idées aussi, je dois le dire. Donc, les choses sont devenues un peu plus concrètes. À partir de là, le film s'est construit. Mais c'est vrai que finalement, c'est sur le plateau de tournage, parce qu'on a eu 8 jours, Matthew, 6-8 jours dans un studio pour faire de la pixelation, pour faire cette animation de lumière absolument délirante. C'est là que je pense que j'ai finalement compris comment le film allait se faire au moment où on le fait. Là, je me sens bien armée pour faire le prochain film de Matthew Rankin. Mais il y a une espèce de vertige qui s'établit au départ, qui est finalement assez fascinant, parce que quand c'est trop connu, trop compris d'avance, c'est un peu ennuyant. Ça déstabilise, mais en même temps, ça fait partie des émotions aussi que je recherche, moi, comme productrice. Alors, on va juste bien, j'ai mal le son, parce que ça fait café le son. Alors, pour la bande-annonce de Tesla, voilà qui est le film ici en compétition. Hop, qui est la cam. Est-ce que, avant de parler du sujet, avant de demander voilà, pourquoi Tesla et d'entrer là-dedans, est-ce que, si je dis j'ai l'impression qu'il y a un vrai plaisir du travail en studio, c'est-à-dire d'être dans un endroit comme ça fermé, d'avoir le plaisir du décor, justement, comme élément principal du film, en tout cas, comme l'un des éléments vraiment principaux du film, c'est vrai ou ouais, il y a ça. Le travail en studio, oui. Contrairement à l'extérieur, dans le monde. Oui, c'est complètement ça, mais j'ai l'impression de l'idée de recréer en fait quelque chose à l'intérieur d'un endroit fermé comme ça et pouvoir jouer avec cet endroit-là et pas avoir de choses extérieures, on va dire, qui peuvent perturber cet endroit. Oui, mais oui, c'est sûr que c'est. Oui, on a plus de contrôle, ça c'est certain. Aussi, le contrôle était important pour ce film-là parce qu'on a fait beaucoup de d'animation de lumière qui est très complexe à faire et ça exige noirceur totale pendant l'exposition. C'est des longues expositions sur 16 mm où on ouvre l'exposition, on bouge une source lumineuse à travers artistiquement et puis on va éclairer le personnage, les décors. Il faut exposer séparément tous les éléments qui font partie de l'image. Moi, j'étais habillé en ninja avec une cagoule, puis totalement noir, pour que je sois complètement invisible pendant que je fasse mon geste. Et on a brûlé 15 000. Oups. Ah. Est-ce qu'il y a... Allô? On va. Ah oui. Qu'est-ce là, hein? C'est fou, hein? Voilà. C'est ça, c'est le... Fait qu'on on a brûlé 15 000 feux de Bengale. Et en ce moment-là, ça aurait été peut-être souhaitable de travailler à l'extérieur. Parce que je pense que, oui, les feux de Bengale, ça ne va pas être bon pour la santé. Il doit avoir de l'amiante dedans. C'est vraiment toxique. Et Minarski, que j'avais fait avant, je souligne parce qu'on est à Annecy, c'était fait avec l'eau de Javel, surtout sur la pellicule, parce que l'eau de Javel, ça peut détruire artistiquement l'émulsion cinématographique. Et donc, je pense qu'il y a à peu près 4 litres de l'eau de Javel sur la pellicule de ce film-là. Et puisque l'eau de Javel a été inventée ici, je dois souligner ce matériel-là. En tout cas, donc, oui, mes films deviennent de plus en plus toxiques. Je vais les finir radioactifs. Mais voilà, donc, voilà, ça c'était le désavantage de notre réaction. Mais est-ce que je peux... Oui, bien sûr. J'aimerais vraiment ajouter que c'est vrai que ça a été extrêmement exigeant. C'est très physique, ce tournage-là. Quand on voit le résultat, on ne peut pas le présumer. Mais moi, j'ai vu Mathieu à l'œuvre. C'est hallucinant quand même, le tournage, parce que c'est de la vraie peinture. Là. C'est du Pollock, Jackson Pollock, sur 16 mm. C'est incroyable parce qu'il y a toute une gestuelle. Puis encore une fois, il fallait être assez clairvoyant. Tu avais tes images en tête avec ton storyboard. C'est super précis ce que tu voulais faire. Et le comédien qui a fait la pixelation, quand même, il faut lui rendre hommage, hein, Rob, là, parce qu'il a été des heures et des heures dans des positions à bouger par petits millimètres, comme ci, comme ça. C'est vraiment une performance physique, ce film, à la fois pour le comédien, à la fois pour le réalisateur. Donc, non, je tiens à souligner parce que je ne sais pas si je vais revoir ça dans ma carrière. Pourquoi donc Tesla? Pourquoi ce personnage de Tesla, qui est normalement voilà, ce personnage-là, qu'est-ce qui voilà, a été l'impulsion pour travailler sur ce personnage? Je vais sûrement parler du micro. Well, je trouve que la vie de Tesla me touche énormément. Il était un génie. Il a en vie tellement à tous les jours avec le patrimoine de Tesla. La radio, le rayon X, les néons, la télévision à la limite, l'électricité sans fil, tout ça c'est Tesla. Il était oublié en fait au fur et à mesure pendant sa carrière. Il a terminé sa vie complètement écrasé, aliéné par la communauté scientifique. Oublié, dénigré, il finit sa vie seul, très très pauvre, il habitait avec des oiseaux, il était en amour avec un oiseau. Tout ça je trouvais vraiment vraiment à la fois triste et beau et étrange. Voilà, je pense je pense que c'est nos intérêts qui nous choisissent plutôt que l'inverse, mais il y avait juste quelque chose qui me touchait dans Je vais essayer de parler très fort. Je ne peux pas faire son nom pas dans un micro. Il y a pas. Non, ben c'est. Merci. C'est enregistré aussi. Donc voilà. Ce qui est étonnant et peut-être qu'on peut parler un peu de l'écriture du scénario, c'est qu'en effet, on a un tout petit bout de la vie de Tesla. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie et qui est même une partie qui est. Enfin voilà, c'est intéressant ensuite d'aller retourner. Moi, c'est ce que j'ai fait sur Internet, de regarder ou dans les livres évidemment, de regarder. Ah bon. Tesla réellement qui c'était, et qu'en effet il y avait cette espèce de personnage complètement hors du commun quelque part, c'est-à-dire une espèce de fou génial comme on peut les avoir, c'est-à-dire vraiment ce personnage-là. Et on va juste remettre ça. Il y a cette espèce de folie. Comment on garde, qu'est-ce qu'on garde dans un personnage comme ça? À quel moment on se dit ok, ça je vais l'écrire de cette manière-là, on va garder ça? Comment ça se passe cette écriture? Moi, je dirais que c'est. Je dirais qu'il y avait aussi une raison formaliste pour laquelle je voulais faire ce film. C'est parce que je m'intéressais beaucoup, j'étais fasciné par les films de Takahashi Ito, le cinéaste japonais qui avait fait quelques expériences avec l'animation de lumière. Ça m'intéressait beaucoup et c'était un intérêt pour Tesla comme personne, mais aussi la constatation que l'animation de lumière était le formalisme parfait pour représenter ce personnage-là. Donc je dirais que tout passe par l'électricité, c'est comme le fil conducteur du film littéralement. Donc je dirais que c'était comment visualiser sa relation avec l'électricité, son désir de distribuer l'électricité à toute la planète, pour toute l'humanité, gratuitement. Ça m'intéressait beaucoup. Et aussi sa relation avec son oiseau. Parce qu'il a dit en entrevue qu'il a raconté l'histoire de la mort de son pigeon. Et il a dit qu'une lumière qui était plus forte que n'importe quelle lumière qu'il avait construite dans son laboratoire est issue des yeux de la pigeon. Et donc, ça aussi, je trouvais, pour moi, c'était comme l'aboutissement de sa carrière comme électricien, comme avec l'électricité. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est la lumière plus forte qu'il a vue dans sa vie. C'était issu de son oiseau au moment de son mort. Donc voilà, donc c'était surtout ça. Là. De manière assez concrète, mm-hmm. quand est-ce qu'arrive par exemple à Sacha qui a fait la musique avec Pierre-Yves Drapeau qui aussi a travaillé, quand est-ce qu'ils arrivent hein? C'est bon, ça, il a fait l'enregistrement des voix, mais il n'y a pas. D'accord, il a fait que ça, d'accord, ok. Qu'est-ce que, à partir de quel moment. Non, mais c'est important de le repréciser, en effet. Donc, Sacha tout fait, c'est ça, la musique et tous les sons Oui, bon. Dans le fond, oui, j'ai fait la conception sonore, mais on a travaillé avec Christophe Lamarche qui a fait deux trames sonores pour le film. Musique, musicaux. Ouais, la musique. Ouais. Comment ça se passe? Comment on rentre sur un film de nature indique? Comment est-ce que on parle? Comment c'est toujours compliqué le rapport entre artiste visuel, on va dire, artiste musical. Comment vous parlez? Comment ça se passe? C'est une bonne question. Moi, je suis aussi artiste visuel, donc je pense qu'on a une très bonne un bon langage visuel. On peut parler ensemble. Puis c'était juste très naturel de travailler avec Mathieu parce que ses images sont tellement inspirantes. Puis je voulais que le son, l'ambiance soit beau et triste, électrique aussi. Et aussi, voilà, ouais. À quel moment on arrive sur un projet comme ça, au moment du storyboard, au moment de l'animatique? Parce que ça paraît tellement, le son est tellement fondamental dans le film, ouais. Que voilà, c'était à quel moment? En fait, on savait dès que j'ai lu le scénario, donc dès le début, en fait. Puis on parlait de la musique, du son, dès le début, d'accord. Avant le tournage. Donc il y a un travail dès le début, c'est ça? Est-ce qu'il est très précis? Ben justement, moi, Sacha, c'est un grand artiste sonore et je voulais... Elle fait démarche elle-même que j'admire depuis longtemps. Et oui, je voulais toujours que ce soit elle qui travaille à ce film. Oui, vas-y. Julie. Non, mais j'aimerais aussi souligner le fait que pour moi, ça a été assez fascinant de voir la relation entre Sacha et Mathieu. Sachant que Mathieu est un réalisateur qui sait exactement ce qu'il veut, mais avec une sound designer qui, elle aussi, a une idée très précise de ce qu'elle devrait entendre et qui a beaucoup, beaucoup challengé le réalisateur. Donc, ça a vraiment été un travail d'aller-retour et de confrontation d'idées, ce projet, et avec deux caractères assez forts, des gens qui tiennent à leurs idées. On a eu quand même des enjeux, notamment au niveau de la narration, parce qu'on a embauché un comédien, ça ne fonctionnait pas. En anglais, on a fait une version, ça ne fonctionnait pas. Et finalement, c'est Mathieu qui a fait la voix, à la fois dans la version française et dans la version anglaise. Et il y a quand même eu des enjeux assez importants là, qu'on a dû affronter, mais avec une sound designer qui remettait beaucoup en question le travail de la réalisation. Ça, c'est super intéressant. Oui, ma job, c'était juste obéir. Obéir. Est-ce qu'il est quand même très précis au début en disant je veux ça, je veux ça? Est-ce que avant même le tournage, est-ce qu'il a déjà tout en tête? Il a déjà beaucoup de choses en tout cas en tête. Oui, beaucoup de choses en tête, mais il m'a aussi laissé la liberté de créer par moi-même. Et donc, j'ai pu vraiment venir avec toutes mes idées puis lui donner un peu plus de qu'est-ce qu'il voulait. Ouais. Et après ça, c'était là, on a travaillé ensemble pour voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Puis, voilà. Donc, l'un des enjeux évidemment du film, c'est mettre à la fois en image et en son l'électricité qui. Évidemment, quelque chose qu'on ne voit pas, qui est quelque chose de presque impalpable. Ça, ça a été vraiment quelque chose de très complexe. Ouais. Ben, complexe, le fun, quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Puis j'ai construit, parce que Tesla avait construit un Spirit Radio. Puis c'est en fait une machine qui, dans le fond, qui interprète les ondes lumineuses en son. Et donc, j'ai construit cette machine et j'ai pu enregistrer la lumière. Seulement, de façon sonore. Et l'intégrer au moment électrique du film. On peut revenir peut-être à. Est-ce que c'est la bonne image? Oui. On peut revenir peut-être aussi à cette idée de, évidemment d'anciens films, de films muets, et notamment des tout débuts d'abstraction et d'animation d'abstraction. Egling, évidemment, alors ça c'est une évidence quand on voit ça. Richard aussi, on peut parler moins peut-être de Fischinger, mais voilà, qui est quand même un peu présent. Ça, c'était important parce que j'ai vu dans une interview, c'est ça que Tesla voyait, voyait en abstraction, je ne me rappelle plus bien exactement, mais est-ce que oui, c'est ça. Je pense qu'il avait, je pense qu'en français, ça s'appelait une synesthésie, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont ça et c'est vraiment fascinant. Lorsqu'il ressent. Ben c'est ce que Tesla avait dit, en fait. Lorsqu'il ressentait une émotion très forte, lorsqu'il était dans un état de choc, ou de peur, ou d'amour, il voyait ses émotions représentées en géométrie lumineuse devant ses yeux. Et il y a des gens qui ont cette condition-là, c'est une condition neurologique que j'aimerais tellement avoir, où on voit nos émotions justement représentées. Ce qui n'a pas de forme visuelle, trouve une forme visuelle très abstraite. Et donc, il avait un peu ça. Donc, je m'intéressais beaucoup à ça. Et je voulais raconter cet élément de son être à travers les instructions visuelles. Quelle est, en fait, alors, de manière aussi très, très, très basique, quelle est la part du tournage en studio et quelle est la part du tournage de post-production? Parce qu'on a l'impression qu'il y a évidemment énormément de travail en post-production. Oui, qu'est-ce qu'il y avait? Je dirais que la plupart des images étaient faites dans la caméra. Par exemple... C'est pas une bonne option avec les pigeons. Voilà, donc tous les effets... oui, la plupart des images étaient faites dans la caméra au moment de la production. Il y avait un élément de compositing. Des fois, il fallait tourner deux images séparément puis ensuite les mettre ensemble. Mais toute l'animation est générée à la main par la lumière sur 16 mm. Donc voilà, donc c'était. Tu as quand même fait un travail sur la pellicule après. Ah oui, c'est vrai, exact. Oui, c'est ça, il y a un travail sur la pellicule aussi, c'est vrai. Oui, voilà, la première scène c'est avec de l'encre, l'encre de Chine. Et j'ai en faisant mon dernier film, Minersky, j'ai vu que l'encre de Chine, lorsque ça sèche sur l'émulsion, ça fait des craquements qui sont très électriques. Il y a dans le générique final, il y a un remerciement à Steven Wolchen. Mm-hmm. Il a aidé à. Je trouve que c'est tout ça. Voilà. Oui, mais il m'a donné un split reel à un moment donné, ce qui était très utile. Et aussi, c'est juste une inspiration. Ouais, c'est plus une inspiration. C'est un signe que j'aime. Du papier découpé. Ah oui, il y a du papier découpé, c'est vrai. J'aimerais te rappeler comment tu as fait ton film. mais aussi, ça aussi, c'était fait. You know, c'est pas vraiment. Je dirais pas que le papier découpé, ça faisait quand même partie de la production. C'est quelque chose qu'on a fait dans la caméra. Mais oui, effectivement, c'est ça. Il y a un montage qui est moins rapide pour montrer le sujet avec Minarski. Il y avait envie de raconter. Évidemment, c'est pas la même histoire. Qui se fait abattre, et bon, forcément, non, mais là j'ai l'impression plus de douce. Il y a plus de douceur dans ce film-là, et je sais pas si c'est le rapport avec le personnage, avec Tesla, peut-être une tendresse avec ce personnage. Oui, ben, je pense que justement, lorsqu'on a une relation avec un oiseau, il y a une douceur, il y a une tendresse qu'il faut faut respecter. L'envie d'avoir cet oiseau, je remets l'oiseau, cette scène évidemment étonnante avec l'oiseau, donc ces fameux rayons de lumière comme ça qui lui sortent. Et ce qui est étonnant dans tout le cinéma de Matthew Rankin depuis un temps, c'est ce jeu entre justement effets un peu réalistes, un jeu avec ce qu'on pourrait appeler, j'ai pas le terme en français parce que ça sort toujours un terme dépréciateur lorsque c'est à l'époque, on pourrait dire kitsch ou ancien, ou etc. C'est vraiment un mauvais terme. Mais voilà, ce pigeon qui est étonnant parce qu'on a un gros blanc et on voit que c'est vraiment, enfin, on sent la recherche de montrer que c'est une marionnette et de jouer avec ça. Ça, c'est vraiment important de. Oui, moi j'aime ça. J'aime. C'est ça, je pense que j'aime l'artificialité. Je pense que j'aime le théâtre, j'aime les choses qui sont faites à la main, je dirais, surtout. Je pense que quand les choses sont faites à la main, on ressent la présence humaine avec toutes ses imperfections. Et là, il y a un esprit là-dedans que je trouve pas, personnellement, je trouve pas vraiment avec le CGI ou les ordinateurs. J'aime les ordinateurs, bien sûr. Mais c'est pas. Je trouve que lorsqu'on engage des robots pour faire du réalisme, il y a un manque de touche humaine. Et donc, même dans l'artificialité, dans la théâtralité, il y a une humanité là-dedans que j'aime. Moi, je dis toujours que les effets spéciaux, tous les effets spéciaux qui méritent d'être retenus, ont tous été conçus par Méliès. Et peut-être maîtrisé par Karel Zeman, mais voilà. Donc voilà, ma maîtrise technologique arrête avec Karel Zeman. C'est intéressant avec Karel Zeman, c'est vrai. Maintenant, ça paraît une évidence en effet qu'il y a un jeu Karel Zeman, grand réalisateur tchèque, hein, qui a mélangé beaucoup de prises de vue réelles et qui jouait avec des décors, des vrais décors qu'on voyait et qui s'amusait, il y avait un vrai plaisir. Oui, ça, c'est ludique. Et c'est réel aussi. Il y a un esprit qui se dégage à travers l'artificialité. Alors, n'hésitez pas, on a nos bibliothèques qui sont malheureusement sûrement dû partir avant, c'est dommage. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, parce que le temps file et on a la dernière invitée juste après. À la fin, il y a. C'est un monde sceptique, lâche, aveugle. Mmh. Est-ce que le monde est comme ça vraiment? C'est une vision de la Florentine aussi ou, Tesla, il avait dit ça. Tout ce qui est dit dans le film, c'est tiré des citations de Tesla. Donc il avait dit ça, et c'était un peu son... Il a dit ça dans son découragement face à l'écrasement de son rêve idéaliste, dans le fond. Mais moi, je dirais qu'effectivement, on habite dans une époque où je trouve qu'on a de la misère à imaginer l'avenir. Je suis allé à l'exposition universelle de Chicago. Il y en avait un en 1933. Et moi, je ne suis pas allé, mais je suis allé à Chicago parce que je m'intéresse aux expositions universelles. Puis il y avait une capsule temporelle. Je ne sais pas si ça se fait en France, où on met plein de trucs de notre époque dans la terre, puis voilà. Donc voilà, donc on a fait ça une capsule temporelle. Donc temporelle, ils ont fait ça en 1933. Ils ont mis sur le seau de la capsule qu'il allait ouvrir la capsule dans 8000 ans. Et là, de à nos jours, on trouve ça ridicule. On peut même pas imaginer la survie de la race humaine dans 8000 ans. Alors que en 1933, oui. Donc je trouve ça beau et je trouve ça aussi une mesure de notre cynisme. Et donc, je pense que Tesla, c'est un peu ça. Je pense que puisqu'on habite dans une époque qui est tellement cynique, où on a vraiment on a perdu un peu notre foi en notre capacité de surmonter nos problèmes, je pense que c'est important de réévaluer les idées de Tesla. Pour avancer un tout petit peu, est-ce que si je dis qu'on se balade dans le cinéma de Matthew Rankin, un peu presque comme dans une installation? C'est du cinéma, on le voit dans une salle de cinéma, mais j'ai vraiment l'impression qu'on pourrait le revoir plusieurs fois. J'ai fait Tesla plusieurs fois pour ce matin, et qu'il y a une simplicité dans l'image, on va dire dans le visuel de l'image. Je ne parle pas évidemment de la complexité de la fabrication de cette image, mais qui finalement sort dans une simplicité avec des fois un peu de décor, enfin voilà, un travail, mais qu'on peut revoir plusieurs fois et qu'on peut redécouvrir de manière complètement différente à chaque fois. Comme une balade comme ça. Yeah, mais on veut pas que une expérience cinématographique soit jetable. Tu sais, c'est préférable de mériter une deuxième écoute. Est-ce que il y a aussi l'idée de on l'a dit plusieurs fois, mais j'aimerais qu'on vienne là-dessus de ludique. On va repasser à c'est très Matthew Rankin. Sur mon âme. On repasse à ça. C'est bleu. Il y a le site internet. J'ai un petit problème avec mon câble. Et notamment, et jouer avec tout ça, il y a dans la bio. Est-ce que j'ai la bio? La bio, normalement, j'ai bien fait les choses. Ouais. C'est ça sur le site internet. Hop. On ne voit pas bien ici. Ah oui. C'est en fait une. Voilà, on n'a pas, mais voilà, crime contre le contribuable. Le contribuable, voilà, Matthew Rankin, qui dépense l'argent pour. C'est un peu une joke pour mon oncle, oui. Parce que j'ai un oncle qui, toujours il est en train de me taquiner que je gaspille l'argent du contribuable en faisant des films et que ça n'a aucune valeur et tout. Donc, j'ai fait ça parce qu'il a voté pour cette dame, en fait. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est toujours ce double niveau. En vrai, on peut vraiment d'un seul coup Tesla, ça serait intéressant. J'ai loupé malheureusement, mais j'avais pris en photo, j'étais à Zagreb la semaine dernière et je me disais que ça serait vraiment une belle chose que de montrer ce film à Zagreb, hein, qui est la ville de Tesla, où il est vraiment partout. Et il y avait même une comédie musicale en ce moment sur Tesla, il y a des pièces de théâtre sur Tesla, il y a un nombre de livres sur Tesla. Enfin, c'est vraiment un icône. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment. Oui, tout à fait. J'espère que le film sera à la hauteur de la nation serbo-croate. Oui. Il n'y a pas d'angoisse de se dire je suis en train de ne pas démonter un mythe, parce que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, d'un seul coup, de se dire. Non, Tesla est tellement important, comment on peut juste avoir la dernière partie de sa vie avec son pigeon et d'avoir des orthodoxes, encore une fois, Tesla qui disent non, on n'a pas le droit d'aller sans film. Oui, il y a toujours ce risque, ça c'est sûr. Moi je dirais que Tesla est un peu ambigu au niveau identitaire. Les Serbes le réclament, les Croates aussi, les Américains aussi. Moi, je pense que c'est quand même une figure qui est tellement importante qu'il appartient surtout à l'humanité. Mais c'est sûr que dans un contexte, national, c'est sûr que les Serbes croates ont une relation spéciale avec lui. Dernière question, pour moi, et peut-être répondre tous les deux. Ça importe quoi travailler avec l'ONF quand on a fait ces films un peu comme ça de son côté toutes ces années avec. L'argent, mais quand on travaille dans ce studio, qui est ce gros studio d'animation et de commentaires. C'était comme un rêve. Julie m'avait sauvé des bas-fonds sous-humains du court-métrage indépendant. Et je me sentais tellement émancipé. C'était le studio d'animation français de l'Office national du film du Canada est, à mon avis, un des plus grands écosystèmes de créativité à l'échelle planétaire. C'était vraiment une inspiration pour moi de travailler là-dedans avec Julie, qui est vraiment une productrice tellement clairvoyante et entourée de tant de grands cinéastes qui font tant de belles choses. C'est vraiment un privilège pour moi. On n'est pas inquiet quand même de se dire, là, je rentre à l'ONF, c'est tellement énorme, c'est tellement cette société qui est reconnue dans tout le monde que je vais devoir peut-être travailler différemment ou en tout cas faire un autre cinéma. Mais justement, je pense que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait indépendamment. Ce serait juste trop coûteux, trop difficile, j'aurais moins de temps, j'aurais moins de ressources, j'aurais pas la même équipe. C'était vraiment, comme je dis, c'était une émancipation artistique. Je voyais comme ça. Julie, un dernier mot. Est-ce que justement l'ONF, grosse machine, telle qu'on la voit, c'est peut-être différente évidemment à l'intérieur, a hâte de voir peut-être un cercle, ce que tu disais au début, de produire aussi des gens comme Matthew Rankin, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu des fois difficile au niveau de la structure, mais moi j'ai l'impression, en tout cas, c'est une vision très personnelle, je ne sais pas si on pourrait avoir Matthew Rankin aidé par le CNC aujourd'hui en France par exemple, qui demande des choses très structurées. Ça c'est un plaisir avec l'ONF d'avoir ça. Non, c'est intéressant parce que des fois on se dit si Norman Le Terrien arrivait et nous présentait un projet, est-ce que ça passerait? Mais en tout cas, tant que moi je suis là, ça va passer. C'est ma mission. En fait, mon regret avec Mathieu, c'est que c'est trop court. C'est que Mathieu travaille très vite et il devait partir pour une résidence à Londres en juillet l'année passée. Donc, le film, il ne pouvait pas, le calendrier était dicté par cette date de voir. Puis, en fait, c'était tellement parfait de l'avoir justement dans cet écosystème à l'ONF, parce qu'il faut savoir que nous, on est le siège social est situé à Montréal. La plupart des cinéastes travaillent physiquement dans un même lieu. Moi, je tiens à cet esprit de communauté parce que je trouve que c'est une valeur ajoutée au processus de création que de pouvoir côtoyer au quotidien d'autres réalisateurs qui travaillent de manière totalement différente de soi-même, de pouvoir confronter des processus différents. Pour moi, c'est ça qui est fantastique et qui est probablement ce qui nous distingue à l'ONF, d'avoir cette communauté située dans un laboratoire physiquement, tout le monde ensemble. Mais encore une fois, mon regret, c'est que ça a été trop court. Donc, nous devrons renouveler l'expérience. Donc, il y aura d'autres films et d'autres projets. J'ai demandé, on va éteindre la lumière et en fait, on va avoir un autre cadeau. On a eu, c'est pas mal cette matinée, on a eu la chance d'avoir le film de Gilles Cuvelier, donc en avant-première mondiale, ce matin. Oui, t'as loupé, tant pis. Donc voilà, on a eu ça. Et on a eu chance, hier, il était présenté en fait certains projets de l'ONF et Julie et Nadine Vieux, donc je remercie, nous permettre. On va pas voir le quart d'heure des films donc, qui sont déjà faits, mais j'ai pris évidemment les films qui sont en production actuellement, donc vous allez avoir 10 minutes. On va avoir des images de Patrick Bouchard, de Théodore Ruchef, voilà, plein de belles choses. Donc je pense que voilà, on peut éteindre et on va lancer ça. Et après, on recevra Louise Caillé pour son projet. Je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu avoir Louise. Hop, 5 minutes. Et c'est parti, j'ai juste gardé un court métrage. Alors désolé, des fois, j'espère que certains vont bien passer, d'autres un peu moins. C'est notre projecteur. Je t'ai fait des spaghettis pomodoro, comme tu les aimes, avec du basilic. Est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer un peu la dose de poudre? Je vole beaucoup trop loin. J'ai un cadeau pour toi. Je l'ai acheté à Saint-Paul, dans la petite boutique. C'est gentil. Mais tu sais, je vole vraiment trop loin. Et c'est la vitre, c'est une Oscar Pantoum. Je crois que tu l'avais repérée dans la vitrine. Mesdames et messieurs, Vous êtes sur le point d'assister à l'une des plus rares, des plus célèbres, des plus prestigieuses et des plus sensationnelles attractions qui existent au monde. Figurez-vous qu'elle sera projetée, suivant les conditions atmosphériques, à plus de 250 mètres de hauteur et qu'elle pourra parcourir jusqu'à 15 km en vol plané. Elle nous vient directement de Santa Fe, USA, spécialement pour vous. Mesdames et messieurs, voici l'incroyable Luna, la femme canon. Megasaurus Dino Man? Was she serious? But I guess that wasn't the point. I didn't understand it then. But looking back, I realized my mom was doing her best. We're all just trying to keep it together. Forget it. Je t'ai fait une surprise. Je suis morte. Elizabeth Hobbs, and I'm making a short experimental animation inspired by the Austrian expressionist Oskar Kokoschka. The film is set in 1917 when Kokoschka is in hospital. He's injured from World War I and heartbroken because his famous 3-year love affair with Alma Mahler is over once and for all. I'm making the film using paint and ink on paper with some found footage edited within it. I like to work straight ahead under the rostrum, and I often record the frames while the paint is still wet. It's more exciting to make the work that way, and I hope it's exciting to watch as well. Merci beaucoup pour ce cadeau de voir. Vous avez vu des choses complètement différentes. On a vu aussi la grande différence qu'il y a entre tous les projets. On peut avoir aussi Jean-François Lévesque, Patrick Bouchard. Merci à tous les trois. Merci à Julie, merci à Sacha. Merci beaucoup.